Bonjour à tous. Oh, oui. Oui, voilà. Oui. Ouais, DJ, on va la sauce ou quoi? C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e de la saison 2. Ah oui. Ah non, bah, ça va extrêmement vite. Autour de la table, quatre invités, comme à l'habitude. Je suis avec Sophie Riche. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ah bah bien, fort bien, écoute, une petite envie d'uriner, mais ça va. Ah bah, fallait vraiment. Non, parce que j'aime bien, ça met une petite pression. Ah ouais. Ça, comme dans Friends. Ça affûte. On sait pas à quel moment tu vas partir. Oui, ouais. C'est ça, ouais. Exact. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent potentiellement pas? Alors, donc, je suis Sophie Riche, je suis chroniqueuse, auteur, apprentie comédienne et youtubeuse. Et youtubeuse. Voilà. Tu utilises le terme youtubeuse sans aucun problème. Bah pourquoi tu pas, fais pas partie... Non, mais il y a des gens qui n'aiment pas le terme. Toi, tu n'as pas de souci avec ça. Écoute, génération Y, ouais. Voilà. Génération c'est selfie. La génération selfie. Qui prend des selfies avec Hillary Clinton. Ouais, hein, évidemment. Voilà. Voilà. M'en parle pas, là. Attention. Hein. On est avec aussi Maud Giver. Bonjour, Maud. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Ça va très bien. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Viens devant le micro. S'il te plaît. Alors même si ça s'entend pas, c'est pas très évident. Je suis une femme. je suis comédienne. J'ai un spectacle aussi. Alors je sais pas si on pourrait dire que je suis humoriste, mais en tout cas mon spectacle est drôle. Alors voilà. Moi je trouve qu'on peut le dire. Du coup oui, on peut plutôt le dire. Ouais. Voilà. Et j'écris des petites choses. Nous sommes également avec Sophie Marie Laroui. Bonjour Sophie Marie Laroui. Hey yo. Comment va-t-on? Ils sont pas plus hip-hop que moi. C'est mon créneau. Stop. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Tout à fait. Alors je suis Sophie Marie Laroui, aka SML. Ah, c'est vrai qu'on t'appelle SML dans souvent. Les quartiers nord. De plus en plus souvent parce qu'en fait sinon les gens m'appellent Marie Sophie et ça m'énerve. Et c'est donc, pas ton prénom. Voilà, ça n'est pas mon prénom. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton blaze? C'est SML. Un peu. Est-ce que tu notes au fur et à mesure les choses qui pourraient être mises sur comment ça s'appelle Urban Dictionary? Ouais. Bah, non, moi j'ai ça dans le sang, j'ai pas besoin de noter. Il a un bingo hip-hop qu'il coche chaque minute. Superbe, je veux y aller. Donc voilà, je suis auteure, je suis comédienne. Qu'est-ce que quoi? Voilà, je fais ci et ça. J'adore les blind tests. Oui. Et je vous adore. Oh bah écoute, oh. J'ai l'impression. Ça, c'est... énormément d'amour autour de cette table. Semble, hein. Et Thomas Hercouet serait jaloux de tant de tendresse. Autant vous le dire tout de suite. Nous sommes également avec le fameux, le célèbre Adrien Méniel. Bonjour. Ouh. Adrien. Bonjour. Ah, écoute, ravi. J'ai dit bonjour, pas fait exprès. Tu choisis l'orthographe, il n'y a aucun problème. Content de te retrouver pour deuxième saison. Parce qu'on n'a pas pu vraiment... En fait, en gros, on a fait une émission en direct du Frames Festival, qui est un festival à Avignon. Ouais. Mais qui n'était pas vraiment une émission normale parce qu'on était en public, c'était la première fois qu'on le faisait en public. Du coup, on était un peu stressés. J'avais pas de micro aussi. Adrien, c'était moins. Adrien avait toujours des vannes et je le voyais. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer exactement, mais il y avait des élans de genre j'ai une vanne et le micro était trop loin, alors il ravalait sa blague dans sa gorge. Il était un petit peu. C'est un sniper sans fusil, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il clair. Fait bah, il se tourne les pouces. Tu devais être change-bif. Hein. Franchement. Oui, là... parce qu'il y a Adrien qui représente le vrai ghetto, toi tu représentes le vrai. Les vrais Vosges. Les Vosges sûres. Mais donc voilà, c'est un peu le vrai premier numéro de cette saison 2, voilà. De cette rentrée 2016. Et bah écoutez, voilà, je sais pas trop où on va être diffusé. Normalement, on devrait être sur d'autres plateformes que SoundCloud ou iTunes bientôt. Oh bah écoutez, il n'y a rien de signé, vous savez. Ça, c'est... Bon, attention aux anecdotes du coup. Ouais, ouais. Non. Non, on est de plus en plus écoutés. Ouais, écoutez, j'ai envie de faire un peu cette phrase de radio. Ouais. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait super plaisir. Et on va doubler votre loyer à 8h du matin, donc n'hésitez pas. J'adorerais qu'on Alors, le doubler fasse. Doubler le loyer, c'est vraiment pas cool par contre. C'est... Ce serait génial qu'il double ton loyer. Les gens, ils sont là, genre, allô? Oh non, c'est Manu. Oh non, c'est Manu. Oh non. Bah écoutez, merci à tous d'être venus, à toutes et à tous d'être venus autour de cette table. À l'accoutumée, nous racontons en première partie les trucs un peu chouettos, on peut utiliser le terme chouettos, qu'on a vu récemment, qu'on a entendu récemment, des bouquins, des films, des pièces de théâtre, des expos de musées. C'est beaucoup plus rare, on va pas des se mentir. Des objets culturels qu'on a dévorés, quoi. Voilà, merci Adrien. Adrien, vu que tu ouvres, est-ce que tu pourrais pas nous... est-ce que tu pourrais pas nous dire quelque chose que tu as dévoré récemment, quoi? Ah, il y a beaucoup de choses. Et, oui, parce qu'on n'a pas fait d'émission. Ça fait très longtemps, voilà. Je vais rester très hip-hop. Ah bah, voilà. Non, il y a une série sur Netflix qui s'appelle The Get Down, okay. qui en gros parle de la naissance du hip-hop au début, fin 70, début 80. Donc c'est genre la transition entre l'époque disco et l'époque hip-hop en fait. Et on suit un groupe de jeunes, quoi, voilà, leur péripétie et tout. Et c'est vraiment très, très bien, quoi. Alors, ouais. Alors, il n'y a qu'une demi-saison, ça c'est un peu bizarre, c'est la première fois que je vois ça, où ils mettent une demi-saison sur Netflix, puis après il y a la deuxième partie plus tard. Ah, mais elle est tournée ? Enfin, tout a été fait, je sais pas, ou... peut-être pas, j'en sais rien du tout, ça. Je ne saurais dire. D'accord, bah ok. Mais et malgré le fait que des fois l'écriture est un peu bizarre, du genre, il se passe un truc dans un épisode, et l'épisode d'après, c'est comme si c'était jamais arrivé, et voilà, et ben on s'en fout en fait, ça marche quand même, quoi, c'est vraiment cool à suivre et tout, donc je recommande ça. D'accord. Et le dernier NBA 2K, voilà, qui est très bien. Qui, alors, voilà. Il y a Sophie, on ne le voit pas, c'est pas très radiophonique, mais Sophie Marie me fait des grands yeux, Maud aussi. Alors, quid de NBA 2K ? NBA 2K, c'est un jeu vidéo de basket. NBA, voilà, le basket américain. Tu l'avais, hein. Sophie ? Bien sûr, évidemment, okay. Parce que je sais voilà. Même, je suis un peu ghetto. D'accord. Voilà, c'est vrai, exact. Donc voilà, voilà, je m'y suis mis enfin, voilà, et il est vraiment très bien, hein, pour ceux qui ont aimé le précédent, il est encore mieux, alors que le précédent était déjà très bien par rapport au celui d'un corps précédent. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que quand même tu as été invité pour tester ce jeu et que quelque part tu es vraiment corrompu par les médias ? Alors ouais. Non, parce que le jeu je l'ai acheté et le jeu qu'on m'a offert je l'ai donné à mon petit neveu. Oh, donc je suis clean. D'accord. Donc, je peux parler. Ghetto au grand cœur, donc on peut. Adrien, voilà, exactement. 2017. On peut dire que je fais croquer les petits frères. Comme à la place... merde, j'ai oublié. Oh, ah bah j'ai raté ma blague. Bah, voilà. Donc The Get Down et NBA 2K, combien de ghetto blasters chacun peut-être pour, Un bon nombre de décibels, sur 1000 décibels. Je ne sais pas les décibels, comment ça se mesure, je ne sais pas. 1000 décibels, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. C'est le tuning à Tourcoing, 1000 décibels. Eh bah attends, 1000. Oh, yeah. Il l'a vraiment beaucoup aimé. Maud, est-ce que tu as vu ou entendu ou regardé quelque chose récemment qui t'a plu ? Oui, j'ai envie de parler du spectacle de Haroun. D'accord. Qui est un mec qui fait du one man, enfin du stand-up plus précisément. D'accord. Il joue en ce moment au BO Saint-Martin et j'aime beaucoup cette personne parce que il dénonce beaucoup de choses. C'est un petit peu de l'humour noir, mais c'est fait très subtilement et très intelligemment. Donc, c'est-à-dire que c'est jamais agressif, c'est pas du tout ce qu'on a déjà entendu. C'est original, c'est fin. Et puis surtout, ça, quand tu sors de là, tu as l'impression de prendre conscience de, même si tu le savais déjà, en tout cas, c'est. Comment dire ? C'est utile. D'accord. Je pense. Et en plus, ça fait plaisir, c'est ça. Utile et c'est très drôle. D'accord. Et puis là, un truc un petit peu comme les stand-upers américains. J'irai pas jusqu'à dire comment il s'appelle, celui que j'ai vu à l'Olympia. Non, Louis C.K. Oui, Louis C.K. Yeah, mais tu sais, sexuelle. Il est tout propre sur lui, il a des petites lunettes de vue, il arrive avec son costume, mais on s'attend pas à ce qu'il déballe tout ça. D'accord. Il le fait très bien, voilà. C'est le cas de Louis C.K. aussi, on s'attend pas à ce qu'il déballe. pas mal de choses. Très bien. Où est-ce que joue ce cher monsieur ? Haroun, c'est ça ? Haroun, il joue au BO Saint-Martin et il y en a un deuxième aussi dans un genre aussi. Là, j'ai encore deux minutes qui n'a rien à voir. Non, je t'en supplie, t'as complètement ton temps. Cool. Ouais. C'est très bizarre pour moi de parler dans cet énorme micro. Hein. J'essaie de faire ça naturellement, comme mais. Jeune ah, parce que vous faites des, ouais, des blagues de mariage, mais R&B. R&B, ouais. D'accord. Du coup, il y a peut-être un truc à faire tous les deux. Fit avec Manuel. Pardon. Non, je t'en prie. J'aimerais beaucoup que du coup tu ponctues toutes mes phrases par des petits. Je vais essayer, mais je promets chanson. Rien. Merci. Je parlais donc de Jean-Philippe de Tinguy. Ah oui, extraordinaire. Que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu un ovni. C'est de l'humour absurde, hein, on peut le dire. Il a un petit côté, mais tout petit côté, si on doit faire des comparaisons, même si j'aime pas ça, Édouard Baird, mais en même temps avec un truc un peu clownesque et lunaire. Et du coup, ça fait du bien parce que t'as pas besoin de le mettre dans n'importe quelle case et juste tu regardes ça comme si t'étais vraiment ailleurs, tu rentres dans son univers Et voilà, c'est très bien d'aller voir. Très bien, très bien. Ça fout la pression. Il joue à la petite loge. Non, non, non, mais d'accord, très bien. La petite loge. Aaron, il joue jusqu'au 26 novembre, apparemment. Ouais. Donc vous avez deux mois devant vous. Vendredi, et j'ai samedi, pas été assez rapide pour vous dire. Samedi soir pour Jean-Philippe. Nom, oui, parce que j'écoutais pas. Je cherchais sur internet les dates d'Aaron, donc j'avais pas les. Donc tu sais à peu près jusqu'à quand il joue. L'autre, c'est Jean-Philippe de Tinguy. Là, pour l'instant, il est à la petite loge le samedi soir. Je sais pas jusqu'à quand, mais je sais qu'il va passer à la comédie des trois bornes. Ah, cool. Dans pas longtemps, le samedi soir aussi. Très bien. Voilà. Bon, bah, si vous êtes parisien, j'ai envie de dire, vous avez des adresses un peu cool pour vous marrer la gueule, j'ai envie de dire. Pour vous fendre la poire. Pour bien vous marrer la gueule. Voilà. Sophie Rich, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu récemment? Grave. Bah là, actuellement, je suis en train de lire Yes Please d'Amy Poehler, que je devais lire depuis environ 1000 ans. Ce qui est faux, parce qu'en fait, c'est sorti il y a deux ans. Mais voilà. Ça fait Moyen-Âge, ça fait... ça remonte, quoi. Ça commence à dater. Ah oui, les gens se lavaient pas et tout. Non, c'est vraiment top. C'est plein de gentillesse, de conseils vraiment précieux. Et c'est aussi plein d'humour. Enfin, il y a vraiment régulièrement où j'explose de rire toute seule face à mon Kindle. Bon, écoute. Non, mais on peut peut-être vite faire redire qui est Amy Poehler. La meilleure personne du monde, à peu près. Après, nos parents, on va dire. Tu connais très peu mes parents. non, oui, c'est une humoriste, auteure aussi, il me semble. Mm. C'est la comparse de Tina Fey, même si elle fait plein d'autres choses à côté. Ouais. Et elle vient du Saturday Night Live, où elle faisait les années avec, je crois que c'est avant, Andy Samberg, Will Forte, ou un peu à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, elle était beaucoup avec Tina Fey. Elles ont présenté les Emmy il y a pas longtemps, je crois. Les Golden Globes. Les Golden Globes, pardon. Autant pour moi. Mais Amy Poehler, c'est Parks and Rec ou pas? Oui, et voilà. Ah voilà, oui, c'est Leslie Knope. C'est l'héroïne de Parks and Rec et c'est la showrunneuse ou pas du tout d'ailleurs. Ça dépend des. Non, d'accord. Ça dépend pas des saisons, des épisodes. Bah je crois pas. Non. Elle en a réalisé en tout cas, mais je suis pas sûre qu'elle en ait écrit. Mais vraiment, elle incarne. Mais pour le coup, enfin, c'est comme Steve Carell dans The Office, c'est qu'elle incarne vraiment la série autour d'elle, quoi. Elle est très très forte. Mais par contre, ça n'existe qu'en anglais, donc il faut parler un peu anglais. Oh, tu sais, bah oui, je touche ma bille. Mais toi, je suis extrêmement. Yes please, c'est oui s'il vous plaît, ça veut dire. Okay. Ah d'accord. Non mais donc le hip hop, voilà, bah t'es obligé. Quand t'es hip hop, t'es obligé de parler un peu l'anglais. Et ça parle de quoi en fait? Bah en fait, elle raconte un peu sa vie. Ah, et en plus, il y a des photos d'elle. Donc, c'est hyper marrant à voir. Et donc, ouais, vraiment, ça retrace donc, sa vie de sa naissance, un peu la vie de ses parents et comment elle a réussi. Et puis, des réflexions sur comment elle a réussi à re-aimer son corps après ses grossesses et machin. C'est, c'est un peu son... Parce que Tina Fey, elle avait écrit Bossy Pence. Qui est excellent aussi. C'est un peu le pendant Amy Poehler, apparemment, d'après ce que tu dis. Oui, oui. J'ai pas lu celui d'Amy Poehler. Mais... Ouais. Moi, je les ai achetés, je les ai jamais lus, donc voilà. C'est un bon nombre de mes livres. N'hésite je fais pas. Genre, c'est des ricains, j'achète. Et en fait, je ne les lis absolument jamais. J'adore la mère. Je lis plutôt des BD d'Astérix, qui sont un peu plus de mon niveau. Sophie, c'est Marie. C'est nos ancêtres en même temps. Oh, bon. Bon, il fait des blagues sur l'actu. Je fais des blagues sur l'actu, mais là, moi, je peux tout faire. Là. Et c'est le billet d'humeur d'Adrien Méniel. Alors, Adrien Méniel, vous flinguez l'actu. Monsieur le Flamby, il a démoulé un nouveau truc. Je vous raconte pas, je vais lui tirer la languette. Un mot sur la journée sans voiture. J'ai l'impression qu'elle nous a bien cassé les couilles cette journée sans voiture. C'est pas la journée sans klaxon en tout cas. Oh, hein, bah ouais. Comme quoi, c'est facile à écrire. Est-ce que tu trempes ta plume dans le vitriol ou pas? Un peu, ouais. C'est juste pour savoir. Et je mouille sur ma langue un peu parce que pour m'imprégner un peu. Pour croquer tes contemporains. Exact. que je regarde d'un œil acerbe. Sophie Marie Larouy, outre le spectacle d'Adrien qui joue à, je crois, au rond-point. Où est-ce qu'on en est, point d'interrogation? C'est le titre de son spectacle. Où est-ce qu'on en est? Êtes-vous sérieux, point d'interrogation? Je vous raconte pas, il y a marqué. le nouveau des proches selon Télérama. Mmh, est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a plu récemment? Eh bien, oui, avec un truc très difficile, c'est que j'ai pas de Wi-Fi depuis le 17 août. Parce que, comme vous ne le savez pas, j'ai déménagé et je n'ai pas encore de Wi-Fi, donc je crame ma 4G. Mais tu n'as même pas de toit d'ailleurs, je crois à peu près. Enfin, t'es vraiment au tout j'ai début un toit, de tes travaux. Mais je suis dans les gravats, quoi. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Voilà. Tout ça c'est pour ghetto, dire ça que je suis en 4G. Ma vie, c'est de taper 1 au 28-250 pour recharger. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai très peu accès aux médias genre Netflix, je par exemple. Je regarde des vidéos YouTube en 180p c'est uniquement. Ça. Donc du coup, je me crame la rétine le soir à un truc vraiment pas chic. Vous avez dit des trucs hyper chics jusqu'ici. Et moi, je regarde. Tu te branles de ouf? Est-ce que c'est ça que tu veux dire sur Thibault InShape? Est-ce que tu vas dire ça? C'était déjà les bras en 4G, c'est impossible. C'est carrément possible. Je me suis branlé avec beaucoup moins. Donc vraiment. Avec donc, rien. En gros, je vais sur Instagram et je tape, et là, je tombe dans un vortex. Je tape Kardashian Clips. Ah ouais, merde. Merde. Et j'ai les meilleurs moments de Keep Up with the Kardashian. Et c'est chaud. Parce que c'est je horrible. Connais tout. Ouais, ouais. C'est quoi? En fait, c'est l'émission de télé-réalité des Kardashians. Ouais. Et c'est les meilleurs moments qui sont dans des petits clips Instagram. Okay. Donc voilà, je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça m'obsède. J'adore Khloé Kardashian. Si elle nous écoute, je l'embrasse. Elle l'écoute pas... parfois. Ouais. Son préféré est le 4. Mais je savais même pas qu'il y en avait d'autres que Kim. Ah bah bien sûr. Ah oui, il y a toute sûr. Une famille ouais, de Kardashians. Ouais. Maintenant, il y a Rob et Chyna, parce que Chyna est enceinte, mais ah c'est ouais. l'ex de Tyga, le nouveau mec de Kylie. Enfin bon, c'est un. C'est un imbroglio. C'est le Beans. Mais du coup, Kanye West, il participe pas à cette émission. Vite fait, mais comme il est un peu. Il est teubé dans le truc, donc il est d'accord. Genre. Okay, ouais. Ah d'accord, il participe pas des masses. Ouais, voilà. Tu viens de clasher Kanye West. Adrien, ça va, t'acceptes quand même. T'acceptes. Ça va. Ok, d'accord. Je l'attends. Kanye West. Ouais, Kanye. Kanye West. Il y a ça, et j'ai évidemment écouté le nouvel album de PNL. Ah oui, c'est vrai que tu apprécies PNL, c'est ouais, vrai. Je suis férue. Non, c'est pas qu'elle apprécie, c'est attention si vous critiquez PNL. Devant Sophie Marie. C'est ça, il y a PNL et Johnny Hallyday, donc c'est pas compliqué, c'est très simple, c'est pas compliqué. D'accord, donc tu as apprécié. Oui, alors c'est un peu une parodie de PNL, ce second album, mais c'est assez intéressant, c'est très beau ce qu'ils disent, et ça me fait penser à... Oh, dis donc. Ah non, mais quoi. Le morceau Bambina, par exemple. Non, mais ça me fait penser à quand Doc Gynéco avait fait L'homme qui ne valait pas 10 centimes, là. Bien sûr. 10 ou 8, je sais 10 plus. 10 centimes, avec 10 centimes. Bernard 16. Tapie. Voilà, c'est, exactement. Et donc, du coup, où il disait en gros, ok, bon, ben, voilà, j'ai réalisé mes rêves. Voilà. Et donc, ça va pas mieux. Ils sont encore plus dans le... Dans la hasse. Ils sont toujours... Celle-ci même. D'accord. Ils parlent toujours un peu du nez sur des mélodies planantes. C'est un peu... fond, oui. C'est ça. Hein. Un chouïa de vocodeur. Un chouïa de vocodeur. D'ailleurs... Autotune, pardon. Ouais, non, pas d'ailleurs. C'est si t'es sponsor bientôt, je vais pas te cramer ton... Zéro censure. APNL n'est pas sur les plateformes de musique actuelles. Si, mais pas. Si. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Crash ta Valda, bordel, je te biperai. Mais c'est marrant en fait parce que leurs chansons maintenant elles sont crypto hétéro, alors que dans le premier album c'était crypto gay, donc c'était ouais. Tu vois, tout le monde veut savoir en fait ce que ouais. qui sont Tariq et Nabil Andrieux, puisque c'est leur nom de famille. Ah, je savais pas. Tu vois, on apprend des trucs. Et donc, en s'amusant. Non, mais c'est après Kardashian. C'est ça que je fais le soir. Tout ça me paraît un peu plus ghetto qu'Adrien Méniel. Je sais que tu représentes le vrai hip-hop, mais pour le moment. Non. Ouais, non. Mais non, mais. Tu peux pas faire plus vrai hip-hop bien qu'un sûr. Truc qui parle de la naissance du hip-hop, quoi. C'est vrai que c'est plutôt évidemment. Hip-hop. C'est vrai. Mais moi, je suis aspirante. Hein. Je suis, ouais. je dans suis... l'église d'Adrien. Exactement. Adrien a une église du hip-hop. Exact. Eh bien, quant à moi, j'ai vu un film récemment qui s'appelle Juste la fin du monde de Xavier ah, oui. Dolan. Et j'ai trouvé ça très bien, mais je suis fan. En fait, je l'avais vu il y a quelques mois, et là je l'ai revu avec ma meuf. On l'a vu en avant-première au Bibliothèque, je crois, avec toute l'équipe. C'était cool. Et le film est très bien, mais moi je suis pas très objectif parce que j'aime beaucoup le cinéma de Xavier Dolan. Et là, c'est en gros une adaptation d'une pièce de théâtre de Lagarce. Non, moi je connaissais pas du tout. Je suis Vincent. Vraiment... Non. J'ai, voilà. j'ai dit non. J'ai dit non. Tu dois confondre. Non, c'est Jean-Luc Lagarce, mais qui est plus ou moins le Vincent Lagarce de l'époque, qui a fait une pièce sur le fait que c'était un mec qui retourne dans sa famille avec qui il est un peu en embrouille pour annoncer qu'il a le sida. Donc on n'est pas si loin de la Zoubida et oui. de Paul le lavabo au final. Ouais, c'est ça. Et voilà, et donc Dolan a adapté ça en film avec un casting un peu foufou, parce qu'il y a Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, j'en oublie une, et Nathalie Baye. Et voilà, mais ça joue très très bien, c'est très très beau. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez aimé Mommy, je pense que ça vous plaira. Mais il y a plein de gens qui trouvent ça pas fou, et je comprends pas trop, parce que c'est logique dans ce que fait Xavier Dolan. Peut-être c'est pour ça que les gens aiment pas, peut-être qu'ils trouvent que c'est un peu la même chose qu'avant, je sais pas. Mais moi j'ai beaucoup accroché, et puis ça parle des familles qui s'entendent pas trop, moi j'aime bien. Donc ça crie beaucoup, ça s'engueule beaucoup et ça pleure. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très très très bien. Mathieu Poggi a dit que c'était un des pires films de l'histoire du cinéma. Si vous voulez un autre avis, ouais. Il a dit que c'était du niveau du film Blueberry. Donc autant vous dire que c'était vraiment pas très bien pour lui. Donc, voilà, je vous invite à aller le voir. C'est très très bien. Et j'ai un autre film aussi que je voulais vous conseiller, mais bon, tout le monde le conseille, mais qui s'appelle Divine. Ah ouais. C'est vraiment une histoire d'être humain où c'est vraiment, okay. Ça parle de trouver sa place dans la société quand on est une jeune meuf de banlieue. Et donc vraiment, allez voir. C'est vraiment donner une chance à ce film parce qu'il est, c'est un très beau film. Il y a de très belles images. Je sais que c'est une nana qui l'a fait qui s'appelle Ouda Benyamina. Et voilà, très très beau film. Et voilà, je me rends compte à la fin de cette... Enfin, on n'est pas encore à la fin de l'année, on est en septembre, octobre, bientôt octobre. Qu'il y a de très très très bons films français, alors de l'année québécois, mais ça reste du cinéma français, les comédiens et tout, et il y a vraiment plein de trucs vraiment chambés en France, et je pense qu'il y a une, enfin, il y a une vraie vague vraiment intéressante dans le cinéma français actuellement, et voilà, faut lui donner sa chance. On a une belle année là, hein. On a une belle année. Non mais c'est vrai, entre quoi, bah le film de Pattaya de Franck Gastambide. Ah bah voilà. Oui. Voilà. Ouais, ah trop bien mon pote. Je vous laisse vous amuser. Ah, y a un petit nain dedans. Ah, dans le film, il y a un petit nain, franchement. Et il fait du free fight. Il fait du free fight, le gars. Non, parce qu'en fait... Ah, il y a deux petits nains, ils se battent. Attends, mais en fait, tu l'as pas vu, c'est ça le... Si, je l'ai alors, vu. Ça y est. Si, ils l'ont en vu, gros, ils l'ont pour raconter un peu, on a un running gag avec Adrien et d'autres gens, les gens du Tour du Bagel, que Robinson et Axel, pour ne pas les citer, et Jérôme et Théo Bonnet, enfin beaucoup de gens, des blagues autour de Pattaya, on ne l'avait pas vu, et on a décidé avec Adrien, Axel et Robinson de le regarder une bonne fois pour toutes. Et c'est. Comment le résumer sans déjà, spoiler. C'est quoi Pattaya, enfin, c'est, est-ce que c'est un personnage, est-ce que non, c'est non, une expression, c'est une ville. En gros, Pattaya, c'est. C'est un peu l'expertise vie... hip-hop. Non, mais c'est une ville en Thaïlande, ouais. Pattaya, et qui est un peu, je crois, la capitale du tourisme sexuel, accessoirement. Et, déjà, ça part sur une énorme blague. C'était excellent. Ah ouais. Et du coup, le film, c'est des mecs de banlieue qui veulent aller en Thaïlande. Ils veulent aller à Pattaya, mon pote. Et sauf que le billet est trop cher. Et là, ils voient une petite annonce où il y a un maître Shaolin qui interprété par Gad Elmaleh, qui organise en ce moment, hein. Donc ça part très fort parce qu'il organise des combats de boxe thaï de nains, et du coup les deux donc c'est Franck Gastambide et Malik Bentala, oui. Ils vont chercher un nain dans leur cité en lui faisant croire viens on t'amène à Pattaya en Thaïlande, frère. Trop bien. Sans lui dire qu'il y va pour faire un combat de nains. Non, parce que lui, il veut y aller. Ah oui, ils lui font croire qu'ils vont à la Mecque. Parce que lui, il est à la Mecque. Parce qu'ils sont. Parce qu'il est très musulman. Et en fait, ils lui mentent, c'est pour faire du free fight. Il y a une scène dont j'ai envie de parler. Une belle scène. Donc, à un moment, le personnage incarné par Malik Bentala mange des brochettes bizarres dans une boîte de nuit, déjà. Des brochettes en boîte de nuit. Ouais. Et on n'est jamais à la Pattaya, on ne sait pas. Peut-être c'est vrai, que ça peut arriver. On ne sait pas du tout. Et il a très mal au ventre. Ils sont dans leur chambre d'hôtel. Il a mal au ventre. Au bout d'un moment, il dit je peux plus. Il va chier. Donc il a une méga chiasse de ouf. Énorme chiasse. Et pendant qu'il est en train de chier, il se dit putain j'ai envie de vomir. Donc il se met à quatre pattes pour vomir. Le cul à l'air, c'est important. Le cul est à l'air. Non, pour la suite du gag, c'est important qu'il vous précise un petit peu à quoi là, ça ressemble. Là, Gastambide dit à Karim. Le nain. vas-y, va le filmer. Donc il se met derrière lui pour le filmer. Et là, il lui chie. Il y a une explosion de chiasse. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a quand même des trucs un peu marrants? Alors voilà, moi c'est ça que je voulais dire aussi. Alors avant de dire les trucs un peu marrants, il y a aussi l'autre truc qui est un peu fou. C'est qu'il y a une parodie de Koh-Lanta, mais avec des gros. Et ça s'appelle Fat Island. J'avais oublié. Et le directeur de casting, c'est Cyril Hanouna. Et ça fait plaisir de voir ce film, parce qu'on le trouve qu'on le voit pas assez en ce moment. Et ça fait toujours plaisir de le voir un petit peu de temps en temps. Quid dans nos télévisions, quid dans nos cinémas. Puis dans un registre un peu plus distingué. Que ce qu'il fait en télé. Franck lui a donné sa chance, quoi. Mais c'est son pantin. Certains disent. Mais il y a quelques bonnes vannes. Tu les vendras mieux que moi, je pense, Adrien. Mais ouais, il y a la vanne, je pense qu'on a la même. Déjà, je trouve que Ramzy est marrant. En étant Ramzy, il est marrant. Juste le personnage est drôle, quoi. Ouais, ouais. C'est pas vraiment ni le texte ni quoi, c'est juste qu'il est marrant. La façon de jouer est marrant. Il crache sur des gens. il est marrant, quoi. Puis il est déjà dégingandé, ça marche toujours. Oui, voilà, non, mais il est marrant. Il marche ça fait bien. Un peu plaisir de voir le Ramzy de la belle époque, quoi. Un peu plus buriné, un peu plus abîmé par la vie. Mais non, c'est. Voilà. Après, les gags, je vais peut-être vu qu'il n'y a pas quand même non plus beaucoup de gags drôles, je ne vais peut-être pas les dire si jamais vous voulez voir le film. D'accord, ok. Mais je veux dire, il y a quand même des gags qui nous ont fait rire. Ouais, pas, au premier degré, vraiment, genre voilà. Sans se moquer. Il y a des blagues qui nous ont fait rire. Et aussi, je trouve que Gaston Bide joue, bon, il joue son rôle de Kaira, ouais. Kaira Shopping, c'était... C'était Kaira Shopping, voilà. Ouais. Et puis les Kaira qui étaient cool, qui étaient sympas comme film. C'était mais il joue bien. Ouais, ouais, ouais. Dans ce rôle-là, il est bien, quoi. Mais Malik Bentala est cool. Moi, je le trouve vraiment... Enfin, c'est un gag que j'aime bien, Malik Bentala, et je le trouve vraiment charmant. Quand il a un truc vraiment attachant, ce gars-là. Et ce qui est drôle, effectivement, c'est qu'il y a un running gag dans la carrière de Gaston Bide qui est un nain, une présence de nain, mais qu'il a changé de nain. Ça, c'est, ouais. Voilà, il a parce été obligé de trouver apparemment, il s'est embrouillé avec son nain précédent. Voilà. Et Anouar, qui jouait aussi dans les Kaira, puisqu'il jouait le facteur nain. Donc là, du coup, maintenant, il joue le... Et là, maintenant, il joue le nain directement. La merde dans la gueule. Voilà, c'est quand même mieux. Il joue le nain qui se prend de la merde. Voilà. Vivement qu'il s'embrouille avec ce nain, qu'on le voit dans Joséphine Ange Gardien. Quoi. Voilà, qu'on le voit dans d'autres productions françaises. Oui, ou qu'on voit Mimi Mati dans un film de Gaston Bide. Ben, moi, peut-être sa prochaine naine. Je pense. Il n'y a jamais eu de naine en fait. C'est, hein. C'est vrai, ouais. Et ouais. Mais je pense que ce serait l'accomplissement de la carrière. Joséphine Ange Gardien, le film, par Franck Gaston Bide, serait une sorte d'accomplissement de vie. Il y a aussi une histoire d'amour entre Gaston Bide et un singe. Enfin voilà, regardez-le peut-être. Exact. Regardez-le de votre côté, ça coûte pas très cher sur iTunes. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. On réfléchissait à un thème fini, pour cette fini. Émission. Bah si. Non, c'est pas fini. Ouais. Non, c'est la fin de la première partie où on conseille des choses, dont le film Pattaya. Mais il y a toujours la deuxième partie de l'émission où on parle un peu autour d'un sujet. Alors j'avais pas trop de sujets jusqu'à 25 secondes avant l'enregistrement, mais Adrien a eu une idée plutôt pas mal qui était potentiellement les vacances ratées, les étés un peu pourris, parce que nous en fait, faut savoir que Floodcast, on n'est pas très régulier sur les épisodes et que l'épisode d'avant, l'épisode de Frames, c'était en avril, je crois, donc il s'est vraiment passé un bon été, même un printemps et un début d'automne quasiment entre les deux émissions. Mais du coup, ouais, on se disait que c'était peut-être intéressant de parler des étés pourris, des anecdotes de vacances foireuses. T'avais des idées de trucs, Adrien, peut-être, en proposant ce thème. Tu n'as pas proposé ce thème anodinement, j'imagine. Si, mais alors. Du coup, j'ai une anecdote, moi, de trucs un peu nuls d'été, mais je crois que j'avais... Alors, je précise, je crois que je l'ai déjà raconté dans un floodcast, mais je vais la... Si c'était dans les premiers, personne les écoutait, donc ne t'inquiète pas. Donc je vais la redire. Désolé si vous êtes en train de vous faire un marathon floodcast. Du coup, vous l'avez entendu il y a 4 heures. Personne ne fait de marathon floodcast, donc tout va bien. Moi, j'en fais beaucoup. Moi, j'adore ça. Non, en gros, moi, je suis le dernier de ma fratrie. Et j'ai 6 ans d'écart avec mon frère, qui est le plus proche de moi en termes d'âge, et ma sœur a 2 ans de plus. Donc, quand j'avais 10 ans, ils avaient 16 ans, voilà. Et du coup, il y avait un écart d'âge qui faisait que j'étais un peu à l'écart pendant les vacances, parce qu'eux, ils faisaient, avec ma cousine qui a le même âge qu'eux, ils étaient un peu ensemble. Et moi, je me faisais un peu chier l'été. Et un jour, ma sœur m'a dit « Ah, mais regarde, j'ai une lettre, c'est le frère de ma copine ». Il voudrait t'écrire des lettres et puis comme ça vous échangez des lettres, comme ça tu t'ennuieras pas et tout. Alors je fais ah bah c'est cool et tout. Donc je lis la lettre, il y a marqué bonjour Adrien, je m'appelle, je sais pas, Sébastien, machin, une petite lettre avec un dessin et tout. Donc elle dit bah tu lui écris une lettre, tu lui réponds et puis tu me donnes la lettre et puis je lui enverrai et tout. Donc je sais plus si j'avais, je crois que j'ai même pas eu le temps d'écrire la lettre en réponse. Pardon, ma sœur est venue me voir, elle m'a fait. Ouais, non, en fait, c'est moi qui ai écrit la lettre. C'était pour que tu t'ennuies pas, mais en fait, laisse tomber. Donc vraiment, elle a son plan pour être sympa a tenu vraiment une heure. Elle a dit, en fait, c'est chiant, je vais devoir faire semblant et tout, écrire des lettres. Elle m'a dit, laisse tomber, Minou. En fait, t'as vraiment zéro ami. Tu croyais que t'en avais un ? T'en as zéro, mon gars. L'ami que j'ai créé, je l'ai repris, ok ? Comment s'appelait l'ami ? Je sais plus. Tu sais plus. Je trop. Sais plus. Bah vraiment. Mais attends. Mais... rapidement vu qu'il n'existe pas quoi. Mais ils sont voilà. Fait, elle s'est fait passer pour un pote ou une nana ou potentiellement ça pouvait être une amourette de vacances. Non, c'était un garçon. Ah oui d'accord. Okay. C'était. Elle a dit c'est le petit frère de ma copine qui a ton âge et tout ça. Et donc il n'existait pas. En plus elle s'est pas fait chier quoi. C'est, bah, c'est ouais. Plus ou moins toi. Ouais, c'est ça. Oui. Il a ton âge, il est. Il s'appelle Adrien. Il est brun. Moniel. et donc voilà, et donc c'était vraiment genre j'étais. En plus, en vrai, moi je m'en foutais un peu, enfin je faisais mes trucs dans mon coin, machin, et du coup elle m'a fait miroiter un truc, je me suis dit ah, une autre vie existe. Non, ça n'existe pas, je l'ai inventé, retourne te faire chier tout seul. Putain, c'était avec quel âge là? Je sais plus exactement, je dirais entre 8 et 10 ans quoi. Ah oui, d'accord, donc t'étais... Ouais, bon, on a besoin d'avoir des amis entre 8 et 19, je sais pas. Bah, oui, Flaubert, ouais. Normalement. D'accord. Yes, très bien, ok. Bah, si vous voulez écrire à Adrien, n'hésitez pas. Non, surtout pas. Bon. Ouais, et bah, du coup, on se demande pourquoi je suis casanier voilà, solitaire maintenant. Bien avant ça, tu le sais très bien, arrête. Sophie Marie, toi, tu as vécu des petites dans les Vosges ou ailleurs, hein, parce que c'était plutôt tu représentes les vrais Vosges, je le rappelle. Bah oui, mais je représente et les Vosges et l'Alsace parce que je suis le cul entre deux chaises, hein, ouais. comme on dit. Voilà, donc bon ben si vous avez déjà entendu ça ou là mes histoires genre pire cadeau de Saint-Valentin, tout le monde disait ah j'ai reçu un tapis de prière à la Saint-Valentin. Non, mais... Donc j'ai toujours les pires histoires. Tu dis ça très rapidement. Alors, non mais parce que voilà, donc je réfléchissais tout à l'heure quand vous avez donc annoncé ce thème des looses estivales. Et tu découpes bien les mots. Ouais. Voilà, c'est au cas où tu dois monter, je me dis ça sera plus facile. Tu peux couper entre deux mots, c'est trop bien. Et je réfléchissais, voilà, entre un été où j'ai dépensé 2000 euros en resto et en piscine. En non, piscine. Mais c'est peut-être pas le. En piscine. Comment t'as acheté une piscine en fait, 2000 euros la piscine. Non, mais on allait tous les jours à la piscine, on mangeait énormément de trucs, on payait des trucs à des gens avec mes copines, et du coup, le soir, on allait au resto, et à la fin de l'été, on est passé 2 mois comme ça, et j'ai dépensé 2000 euros de. Mais comment t'as vu. Alors, déjà, excuse-moi, moi, j'avais une Électron, donc clairement je pouvais pas passer. Alors non, c'était ma première carte en relief. Ah oui, d'accord. Mais il faut pas me donner ça, même aujourd'hui. Donc, je sais pas, j'avais 20 ans, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Un âge où on est plutôt responsable normalement déjà. On commence à l'être un petit peu. Mais je crois que c'est pas ma préf, parce que je crois que ma préf, c'est l'été des entrepôts. Que je vais vous raconter à partir de maintenant. Ah bah je t'en supplie. Donc, il faut savoir que en Alsace, bon bah on se fait chier, hein, principalement. Oh oui. Oui, oui. J'ai essayé de. Et donc, on se fait chier et souvent on n'a pas d'argent. Donc, du coup, l'un va avec l'autre. Et pour régler le premier problème, il faut travailler. Et on travaille souvent en intérim. Et comme c'est une région frontalière, on travaille souvent en intérim en Allemagne ou en Suisse, dans des entrepôts. Donc là, en l'occurrence, j'avais été embauchée 2-3 semaines pour faire de l'intérim dans un entrepôt pour remplir, vous savez, les chocolats suisses délices. Les petites les trucs blancs avec une croix suisse rouge dessus. Anyway, oui, ah ouais, c'est pas grave. Tu veux dire Milka ? Non, je sais pas. Donc on faisait des cartons de enfin des racks comme on appelle ça, des têtes de gondole pleines de trucs de Swiss délices, et comme on était jeunes et cons, CF le Damien 16, on embrasse. Éponyme, en fait on volait des gâteaux dans les paquets avant de les empaqueter dans le truc. D'accord. Et on a travaillé comme ça, on a énormément volé de gâteaux. Mais vraiment j'avais le coffre plein. 2000 euros. Non mais c'est vrai. Ça a équilibré. Le coffre de ma R5 était blindé de gâteaux. De Swiss délices. Oui, de Swiss délices, des Florentins. Vous voyez, c'est bon les Florentins, ah, c'est oui, cher avec en plus. Avec ouais, là, ouais, ouais. Ouais. Bah, un Florentin, c'est 10 balles, hein, je crois. Tu peux quand même faire un petit commerce derrière. Voilà. Et donc, avec l'argent récolté pendant ces 3 semaines de travail en intérim, mes copines et moi, on s'est dit, tiens, on va partir en vacances. Sauf que moi, j'avais complètement oublié un truc, c'est que j'avais la phobie de l'avion. D'accord. Et donc, on a pris tous nos billets, fait nos passeports, machin. Et 2 jours avant de partir, je leur ai dit « Ah, mais en fait, bah non, je vais pas y aller parce que j'ai la phobie de l'avion. » Et donc, elles sont parties sans moi. Mais ça t'a empêché carrément de partir. Mais bah non, elles sont mais parties t'avais sans pris moi. Ton billet. Ouais, j'avais pris mon billet. Oui, sur le coup, tu t'étais pas rappelé. Ouais. Mais non, je me disais, c'est bon, j'ai pas peur, je vais pas en parler, ça va passer et tout. Ouais. Et en fait, pas du tout. Et donc, je suis restée à résidence. Oh merde. À faire rien, du coup. T'avais des gâteaux. T'avais plein de Swiss délices. Ouais, quoi. C'est ça, t'avais des gâteaux. T'étais régalé. Voilà, donc c'est pas une anecdote très croustillante, mais c'est moins qu'un Florentin. C'est cadeau, mais oui. 7h30 sur Europe 1 tous les matins. Le billet d'humeur de Sophie. voilà. D'accord, mais quel est le rapport avec les Swiss Alice? Ah, c'était la bande de potes de Swiss Alice, c'est ça? Exactement. D'accord. Et du coup, je ne peux plus écouter. En apesanteur. En apesanteur. Parce que elle passait tout le temps. Il y avait une rotation de 5 fois à l'heure sur la radio qu'on écoutait. Il s'agissait d'RTL2, sûrement. Non, c'était une. En plus, c'était une radio allemande qui passait les titres français. Mais qui passait Calogero traduit en allemand. déjà RTL, que c'est, c'est ça, déjà un groupe c'est allemand. Oui, c'est vrai, mais voilà. C'était pas, je sais plus. Enfin bon, voilà. Et donc c'était pas un très bel été. D'accord, mais c'est vrai que Maud a raison. C'est fou de te souvenir de gens avant que t'as une phobie oui. qui t'empêche mais vraiment non, de voyager. Non, je vais y arriver. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Elle empaquetait les gâteaux, elle mangeait, elle se disait. Je suis dans une bonne dynamique. J'ai une bonne dynamique. Exactement, exactement. Et quand elles sont rentrées de Turquie, parce qu'elles sont parties en Turquie, le jour de leur retour, j'avais préparé un grand pique-nique. Oh, et adorable. On a été pique-niquer donc dans un ancien lit de rivière, sauf que il y avait eu une inondation la semaine d'avant, que l'eau était montée et redescendue et que j'avais peur des tsunamis. Donc du coup, j'étais persuadée, donc j'ai mangé tout mon pique-nique genre avec la tête en arrière en train d'attendre que la vague géante arrive. Ça commence très à rare, les tsunamis en France, il y en a peu. Mais oui, mais tu sais si on trouve des coquillages dans les Vosges, c'est que à un moment donné, il y a eu souci. Il y a vraiment des millions d'années. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup de phobies surtout. C'est oui, bah oui, oui. C'était pas radiophonique, il y a eu un regard très noir du côté de Sophie Marie. Non, mais ça va mieux, tout va mieux. Et t'as pris l'avion depuis ou jamais? Ouais, ah, cool, t'es allé où? J'ai été à New York, aux États-Unis d'Amérique, toute seule. Ah, aux States, ouais, ouais. C'est les States. Sophie Rich? Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, des choses en vacances? Ah oh bah oui, plusieurs fois, oui. Ah bah, raconte, ah bah oui. Raconte. Ah bah par exemple, bah il y a eu la fois où, en fait, il y avait la ville où j'étais, petite, j'avais 11 ans, qui organisait des camps de vacances. Donc c'était pas genre des colos, ça durait que 5 jours, mais ça ressemblait quand même à une colo. Et moi, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et j'ai ma meilleure copine de l'époque qui m'a vraiment convaincue, mais elle m'a travaillé au corps quoi, pour que j'accepte d'y aller avec elle. Donc je réserve, je paye. Enfin, mes parents, quoi, bien sûr, ouais. Parce que je suis t'avais une enfant. Quel âge, 11 ans. 11 ans. Ouais. À 11 ans, Sophie Marie aurait déjà claqué 1000 balles. Hein, ouais. Je pense. Mais oui. Et en fait, la veille, elle me dit, j'y vais pas. Mais oh non, bah, oui. Ah, la chienne. Oui. Ah ouais, j'avais aucun pote dans le truc, genre aucun. Oh, oh horrible. L'enfer. On dormait donc dans des tentes, sauf que évidemment la mienne a été sur un nid de fourmis, donc non. Super, génial. Oh bah, voilà. Génial. Bah là c'est la totale. Non, voilà. Et c'était la première fois aussi que je partais de mes parents en fait. Enfin, en plus je suis fille unique, donc c'est pas que j'ai des parents tissus, parce que je suis bilingue, je le rappelle. mais pas loin quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, enfin à l'époque en tout cas c'était quand même j'étais petite fille, papa et maman. D'accord. Et donc je pleurais tout le temps, mais genre tout le temps, j'étais insupportable, les animateurs me détestaient à force parce que c'est pas possible, j'étais tout le temps à demander à appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher, mes parents qui me disaient non, il faut que tu fasses cette épreuve, tout ouais, machin, blabla. Ils voulaient baiser, ouais. Sûrement. Ils sont mes parents. De quoi tu ça a dérivé là, j'ai peur. Ils voulaient baiser entre eux, hein. Ah, mais oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a au début j'ai compris, ils voulaient baiser. Mais non, mais et j'ai quoi dit, non, vous voulez baiser. Mais non. Alors, les parents voulaient baiser ensemble. Les parents tissus qui voulaient, je sais pas, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il faut suivre. Et ça a duré combien de temps? Alors ça a duré donc 5 jours, mais il y a eu vraiment le deuxième jour, donc c'est vraiment là où j'étais le plus dans le seum, tout ça. Il y a eu l'apothéose de la semaine. C'est-à-dire que un jeu du foulard. J'ai souvent une coloscopie. Surprise. Une maladie avec les fourmis. En fait, donc il y avait eu une sorte de cours de planche à voile. Donc déjà la planche à voile, c'est de la merde. Je nul déteste. À chier. Ouais. Nul à chier la merde. Chier. Et donc voilà, je fais le truc en pleurant hein, tout le temps. Pure vacances. Et donc. Je me rhabille et j'avais un jogging Sergio Tacchini bleu clair, c'était mon préféré, irisé. Hein. Bien sûr. Oh là là. La culture hip-hop est d'accord avec moi, ce choix. Moi je valide, c'est très valide. Okay. PNL valide aussi. Et il se trouve que, je suis désolée, hein, ça va retourner autour des menstrues cette histoire, mais c'était au début de ma vie de menstruée. Ah ouais. Et donc, j'étais pas du tout réglée de manière... comme du papier à musique, quoi. Exactement, mais oui. Cette fameuse expression, réglée comme du papier à musique. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'elle a été inventée. Et en fait, il se trouve que j'ai eu mes règles à ce moment-là. Donc, j'avais le maillot de bain humide. Oh. Pas de protection. Mmh. Donc, un jogging Sergio Tacchini bleu clair. Et le bleu clair prend tout son sens. Et en fait, j'avais totalement, genre... Oui, irisé. J'avais mes règles sur toutes mes fesses. Parce que vache. Je m'étais assise et ça avait genre dilué le truc, machin. Mais c'était tes premières règles? Non, non, c'était pas les premières. Je les avais depuis quelques mois, mais en fait, au début, ça peut arriver un peu n'importe quand. Mmh. Oui, oui, oui. Bon, je sais bien. Faux. J'en ai aucune idée. J'ai compris ce qu'étaient les règles il y a 6 mois, à peu près. Et donc, il y a eu le moment où j'ai dû. Je savais pas, j'étais pas au courant. Et j'ai dû aller prendre ma douche. Donc à l'autre bout du camp, et je traversais donc cet endroit où il y avait en tout, enfin il y avait vraiment genre 200 enfants, je pense. Oh, mais merde. Ouais. C'était les choristes. Ils ont fait voix sur ton chemin quand t'es passé. Oui. Exact. C'était eux. Ah putain. Et en fait j'ai entendu un rire, puis deux, puis trois, puis un mec qui a crié. Elle a ses règles. Et j'ai compris que c'était moi et j'ai couru et puis. Et ça se trouve c'était pas toi. Est-ce que t'as regardé? Mais oui, non mais. Je... C'est vrai. Putain, c'est terrible. C'était en fin de vacances, ça? Non, non, c'était la deuxième. Oh, non. Putain. Oh la vache. Donc j'imagine qu'en plus, les autres jours, l'anecdote a dû être rappelée par certains. Oh, bah oui, oh, bah, oui, bah évidemment. Oui, oui. Ah, merde, et, ah oui, et aussi, j'avais pris qu'un seul livre et j'étais la première à me réveiller parce que je me réveille tôt. Et j'avais pris un seul livre et c'était un livre où une petite fille perdait sa mère dans un accident de voiture. Oh. Voilà, c'est tout pour moi. Oh, excellent. C'est formidable. Bon bouquin. Bon. Moi, ce que je trouve bien, c'est que de faire des vacances comme ça très tôt. Ouais. Après, tu peux passer que des bonnes vacances, c'est en comparaison. Ça. Ah oui, oui, bah, ah, bien ouais. sûr. Voilà. T'aurais été bien dans mon entrepôt en intérieur. Oh, oui, oui, on aurait mangé des petits Swiss délices. Des Swiss délices. Ouais. Ah, c'est chaud. Et le taquini a eu moyen de le récupérer. Ah, mais je l'ai gardé. Oui. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Il est sous verre. C'était dilué quand même. Ah, d'accord. Il est encadré dans ma chambre. Maud, oui. Est-ce que toi, t'as eu des petits tracas, des petites... Ouh là là, moult. Ah bah je t'en supplie alors. Alors entre trois, mon cœur balance, mais on va peut-être faire la plus récente. Ah bah non, mais après, écoute, on a tout notre temps. Je me lance sur l'anecdote qu'on va appeler postiche de fouf. Ah bah tu sais teaser, voilà. En tout cas. Voilà. Je propose évidemment un hashtag postiche de fouf sur les réseaux sociaux en voilà. réaction à ce podcast. Absolument. Bien sûr. Donc écoutez, ça date pas plus tard que cet été. Hein. On me propose. Ah ouais, carrément quoi. Ouais, ouais. Ah bah oui. Je ne vais pas donner certains détails, évidemment. Vous comprendrez tu aisément pourquoi. Tu te permets pourquoi. De trier les détails. Voilà. Ouais, mais on note que la meuf est sans filet quand même. Sans filet. Ah là, je suis sans filet. Apparemment, il y a beaucoup de auditeurs, voilà. Donc près de j'y vais. 8 milliards. J'y vais banco, j'y vais go. Donc cet été, je ne pars pas trop en vacances parce qu'on me propose une silhouette. Pour rappelons aux gens qui ne savent pas ce qu'une silhouette, c'est dans un film, t'as de la figuration, donc t'es en arrière-plan, t'as un petit rôle, c'est-à-dire que t'as en gros une phrase minimum, et quand t'es silhouette, t'es censé être un figurant, mais qu'on voit vraiment, qui ne parle pas, mais qui est identifiable. Voilà. Comme c'est un film au cinéma qu'un réalisateur que j'admire, je me pose la question, je dis allez banco. C'est Gaston Bide. Non. Je ne sais évidemment jamais le nom de ce réalisateur. Et on me dit, en fait, le truc, c'est qu'on m'apprend après que c'est une silhouette, mais il faut que je sois dénudé. Alors bon, moi qui suis assez pudique, je dis, écoute, challenge, hein, why not, il faut le faire à un moment donné, pourquoi pas. C'est ta colo à toi, quoi. C'est un peu ma colo à moi, je me dis, bon, dénudé comment, écoute, c'est quand même, c'est pas, ça sera bien fait, ce sera joli, à la limite, un petit bout de fesse, un petit bout de sein. Et... Ah oui, ils annoncent quoi, quand même. Elle m'annonce soit un petit bout de sein, soit un petit bout de fesse. Ok, elle me dit. Tu choisis. Il faut un rire, c'est surtout ça qu'il veut. On voit, donc voilà. Bon, bref, elle m'appelle pour me dire que vraiment il m'a adoré, moi. Parce que j'ai très bien ri sur la vidéo. Alors, elle me passe de la pommade, du coup, je me sens flattée, je dis ok. J'arrive aux essayages, et là, il y a beaucoup de monde, et la dame vient me voir et me dit elle est où la fille à poil? Donc je dis, je ne me retourne pas tout de suite, évidemment. Donc elle me dit, l'autre dit, bah c'est elle. Je dis, c'est elle. Non, elle est un peu dénudée, hein, seulement. Elle me dit, il faut préciser quand même que du coup, je ne peux pas bronzer de toutes les vacances parce qu'il s'agit d'un film d'époque et que je ne peux pas avoir de marque. Donc bien, je pars au soleil, je me fais quand même chier la bite à ne pas bronzer, à faire attention à mettre de la 50 en permanence pour une silhouette. Pour une meuf au costume qui te parle comme une bouchère, oui. De Ménilmuche. Attends, quoi. Attends, puis c'est le début. Donc là, tout le monde m'appelle dans les couloirs la fille à poil, la fille à poil. Donc on m'apprend que là, il ne s'agit pas de se dénuder un peu, mais d'être vraiment complètement nue. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi je fais pas marche arrière, je reste ici. et puis là, la coiffeuse, la maquilleuse, pardon, arrive et me dit est-ce que tu es épilée ? Ok, je, oui. Je lui dis c'est-à-dire, elle me dit le maillot, c'est un film d'époque, les filles avaient des poils. Bah oui. Je dis écoute, ouais, je suis épilée, je suis déjà partie en vacances, ça me foutra l'ombre pendant toutes les vacances. Ouais. J'avais pas non plus resté en mode forêt vierge. Pour une silhouette, elle me dit très bien, montre-moi. Je lui dis c'est-à-dire maintenant. Donc là, il y a plein de monde. Je lui dis elle me dit oui. Donc me voilà en train de soulever mon. Non, t'aurais dû le dire toi d'abord. Déjà. Je monte donc mon minou à l'ensemble de ces personnes qui disent elle a pas de poils, c'est pas possible, elle a pas de poils. Je dis bah oui, bah arrêtez de regarder de près. Ces personnes sont très près à ce moment-là au niveau de mon sexe. Donc là, la costumière dit très bien, ça va pas passer. Donc déjà, elles me font essayer des trucs, me prennent des photos à poils, donc avec une sorte de petit peignoir qu'on fait enlever tout de suite. Donc je suis quand même, c'est gênant, autant sur le plateau. Tu te dis, il y a le décor, il y a le truc, il y a l'ambiance. Quand c'est dans la cantine, là, avec les gens dans qui les mangent. Hangars à Saint-Denis, c'était moins sexy. Donc j'étais un peu mal à l'aise, mais bon, bref, elle dit, il faut que tu lui mettes une postiche de fouf, hein, évidemment, pour le tournage. Le donc, terme postiche de fouf a été. Oui, a été énoncé, okay. Clairement. Hein. C'est le terme. Oui, oui. Okay. C'est le terme. S'il y a des passionnés de cinéma, c'est le terme technique. C'est le terme technique, hein, on va pas se mentir. Donc je savais pas à quoi ça ressemblait. Bref, je vais essayer de faire vite. J'arrive non, c'est passionnant. Là, on déguste un bon vin. Comme ça, tu pars pas de boulet uniquement. Donc, j'arrive sur le tournage. Il y a moi et d'autres figurants qui sont aussi silhouettes. En fait, on est tous silhouettes. Hein. On m'avait dit que je serais la seule silhouette, mais, d'accord, mais bah oui. C'est clairement faux. Hein. Et les autres sont danseurs. Donc, en plus, ils ont un vrai truc en plus. Moi, je suis juste la femme à poil. Et donc, comme je suis à poil et qu'il faut pas que j'ai de marque depuis le début de la journée, j'arrive à 7h du matin. Je suis nue sous un peignoir. Elle me dit, je vais te mettre la postiche tout de suite. Je lui dis, non, attendons-le. Il y a la cantine avant. Et voilà, il y a la cantine, il y a tout ça. Je ne peux pas mettre de culotte, tout ça. J'ai pas envie de. Bref. On attend un peu le dernier moment, mais bon, on sait pas à quelle heure on va tourner. Le PAT et le moment où on va tourner est prévu à 14h. Donc à midi, elle me dit, écoute, non, on va aller manger après, c'est pas possible, faut que je te le mette maintenant. Donc bref. Oh non, mais les relous.com, quoi. Relous.com, bébé. Là, elle me fabrique dans les loges, coiffure, maquillage, hein, parce qu'il y a beaucoup de figurants, il n'y a pas donc d'intimité. Une sorte de petit paravent pour rester pendant une demi-heure, donc face contre chatte, histoire de me coller le postiche. Face contre chatte, j'aurais pu mourir, ouais. Calopatie. Et il faut savoir donc comment ça se présente. Moi, je pensais que c'était une masse déjà en forme d'insecte, comme les poils d'insecte, qu'on te colle. En fait, non, il s'agit de trois bandes. Visualisez bien trois bandes de poils. Très bien. D'accord. Qu'elle va donc coller une à gauche, une au milieu et une à droite. Hein. Donc, elle me les colle. J'ai jamais vu de vulve, mais j'imagine. Et donc elles sont vachement longues en plus, donc elles doivent. Bon, bref, c'est assez compliqué. La c'est meuf te calait des gros wads. Elle prenait un coton. Elle fait des ourlets. Elle avait au moins la décence de pas mettre directement ses mains sur mon sexe. Donc elle me met quand même plein de colle. Hein. Ça me dégoûte. J'ai déjà mal pour mon minou. Je crois que tu disais, mais on a mis plein le col. Elle est remontée. Elle a vraiment. Elle est... Pardon. Et non, je t'en prie. Et donc, tout ça pour dire que je ressors de là, on dirait une autoroute. Hein. Clairement, on voit la démarcation entre les bandes. Donc, c'est pas du tout naturel. C'est très laid. C'est très mal fait. Donc, je vais voir la costumière. Donc, tout le monde me dit, tout le monde savait que j'avais un postiche de fouf. Donc, c'était vraiment l'attraction de la journée. Tout le monde me dit, est-ce que je peux voir ta chatte ? Je dis, écoute, non, c'est gênant. Allez, s'il te plaît. Bon, à la fin, moi qui étais pudique, hein, qui devait me mettre à poil, j'avais plus de pudeur. Clairement, je me baladais à poil, il n'y avait plus de problème. Donc, vas-y que je monte mon postiche toute la journée. Et je vais voir la costumière, je lui montre quand même le truc. Elle me dit, c'est horrible. Je lui dis, je suis d'accord. Donc tout ça pour dire qu'au moment où on me fait tourner, je vais sur le plateau, on me dit de me déshabiller. Et là, y a le postiche du milieu qui tombe. On se retrouve donc avec une moustache mexicaine, imaginez bien, hein, comme ça. Astérix. Voilà, gros moment de malaise, de solitude. J'étais déjà pas très bien et pas très à l'aise. Donc, on a déjà ce moment un petit peu de malaise où finalement je suis pas direct. Il n'y a pas que moi, hein, évidemment, sur le plan. Donc, on l'a pas vu ça à la caméra, on continue sans ça, on me filme pas du coup le minou. Et on me fait revenir le lendemain, parce que j'avais pas eu ma scène de gloire, hein, qui normalement était, je suis assise sur les, je devais donc être assise sur les genoux d'un homme nu, qui lui prenait de la cocaïne, et moi je riais d'un rire dément. C'était ce qu'il y avait marqué sur le script. Hein. Ça s'est terminé en, le réalisateur est arrivé, il a dit, bon, bah toi, bah tu la prends. Ah oui, d'accord. Il prend qui ? Oh, c'est fou. C'est-à-dire, il prend qui ? il prend comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas compris. Et sur le coup, encore une fois, incapable de dire non ou de ramasser ma fierté, je dis ok, on va le faire. D'accord. Et donc, on est nus chacun. Et par contre, je dis, par contre, il va falloir que quelqu'un me mette un string ou quelque chose. Je vais pas faire coller son sexe, oui, contre le mien pour faire semblant de faire l'amour en arrière-plan. Pour des raisons évidentes. Et puis pas donc, comme je pouvais pas avoir d'hygiène aussi, comme je pouvais pas avoir de string cher, finalement le jeune homme a eu la présence d'esprit de demander une chaussette qu'il a mis sur son pénis. Il a rentré ses boules dedans et du coup, on était moins en contact. Voilà, un bel été. Du coup, j'ai pas bronzé de tout l'été pour ça. Ils m'ont dit tu reviens le lendemain. J'ai dit non. Voilà, non, ça y est. J'ai fait mon baptême du. Ouais, j'ai dit non. Moment, donc fake. Quand même, ton plafond de tolérance est quand même assez haut avant assez de dire non. Haut, quoi. Oui, il oui, s'agit oui. de couilles dans une chaussette. Apparemment. Le film, ouais. Bon, c'est évidemment. Game of Thrones, c'est ça. Non. Est-ce que la chaussette était propre ou pas? Oui, oui, apparemment. Il l'a retiré de son pied. Il a dit écoute, j'ai des Burlington. Ah, c'était très. Voilà. J'ai tout adoré. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Hein. J'ai hésité parce que j'en avais une autre aussi très marrante, mais on la prochaine pas. Fois. Plus que ça. N'hésite pas. Mais plus que ça, mais non, plus non, honteux que ça. Ah bah, plus quoi? Plus honteux, bien plus honteux. Bien plus honteux. Nous continuons tout de suite le podcast avec une deuxième. Bon, alors je la fais vite. Pareil, je suis en vacances, voilà. Et puis je suis avec mon oncle, ma tante. J'ai un petit ami allemand. Je parle pas très bien anglais, donc on se retrouve sur la plage, on se roule des pelles, on est content. Je vais dans en allemand. T'as quel âge juste à ce moment-là ? 16 ans. D'accord. C'est aussi une histoire de menstruation, hein, à un moment donné. Souvent les meilleurs. Je suis dans son bungalow. Je vais dans la salle de bain. J'ai mes règles à ce moment-là. J'enlève mon tampax, je le mets dans les toilettes et je tire la chasse d'eau. Bien sûr. Sani Broyeur. Évidemment, Sani Broyeur, je ne sais pas, ça ne part pas. Rien à faire, ça ne part pas. Ça ne part pas, le tampax est un tampax en plus avec applicateur, si vous voulez des détails. Donc long, c'est moche, tu ne peux pas passer inaperçu. Donc je me demande quoi faire, je dois réfléchir vite. Il est pas loin. Il arrive. Je prends la brosse pour nettoyer les toilettes. Je fais remonter le tampax. Je prends du papier toilette. Je fais une moufle, une énorme moufle. J'emballe le tampax dedans. Voilà, je suis tellement fière d'avoir réussi à faire ça. Je le pose sur le truc de la salle de bain. Je me lave les mains. Je fais ci, je fais ça. Je suis contente d'avoir réussi mon coup. Je remets mon tampax. Je m'en vais. Je me casse. Je l'embrasse et je me casse du bungalow. Et je laisse donc mon tampax emballé dans du aussi... papier toilette. Attends, j'ai fait la même chose. Il me semble avec ton tampax. Pas un tampax, mais alors je peux. Putain, c'était un été donc bah, ça marche. C'est incroyable. Oui. Alors moi j'étais hébergé chez un pote à moi avec ma copine de l'époque. Et du coup c'était le tout début donc il arrivait qu'on mette on mettait des capotes encore et du coup on ken hein, voilà pour employer un mot un peu hip hop. C'est vrai qu'il est ghetto hein. Non, c'est-à-dire qu'en gros très ghetto. En gros mon pote et sa copine donc on était chez eux le matin, ils partaient tôt au boulot. Nous, on tue moment tous les deux, et bon, après, on partait explorer la grande pomme, bien sûr, tels deux verres. Bien sûr. vraiment, je mets beaucoup de poésie dans un truc qui va l'être beaucoup moins dans deux minutes. Non, et du coup, bah, on ken, et pareil, je retire la capote donc usagée, je fais un nœud, je la mets dans du PQ, ouais, voilà. Et puis, bah, voilà, j'urine, je fais des... Ouais. On part à New York... Manhattan, on explore, c'est super. Blablabla. Et vraiment, on est en pleine rue. Il commence à faire nuit, donc on a passé toute la journée là-bas. Et je sais pas pourquoi, on est en train de marcher et je fais. J'ai oublié la capote sur le bord du lavabo. Et donc on fait, bah on rentre. Avec un peu de chance, on va rentrer avant qu'il rentre du taf. Donc on est parti direct. Ouais. Et alors le petit détail c'est qu'il avait le bouchon de sa bombe de mousse à raser qui était enlevé, qui était posé sur le lavabo, et moi j'avais posé la capote usagée, enrobée de PQ je rappelle quand même, sur le bouchon de la mousse à raser. Et du coup on rentre, il y a quand même genre une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver chez eux parce qu'ils sont en banlieue. Une flèche autour pour montrer exactement où elle était. on rentre. Et moi, évidemment, mon seul but, c'était je vais dans les chiottes et j'essaie de récupérer le truc vite fait et tout. Donc, on arrive, ah, salut, machin. Ils sont là, déjà. Donc, je fais, bon, ça, c'est mort. Et machin, là, je dis, bon, bah, je vais aux toilettes, machin. Et mon pote, qui était genre assis à côté de la porte des chiottes, me parle, me dit, ouais, alors, vous avez fait quoi et tout. Alors, moi, je suis vraiment sur le seuil de la porte des chiottes. Genre, je fais, oh non, bon, on a visité, sympa, quoi. Enfin, voilà, quoi, on ouais. a fait un petit tour et tout. Et il me parle et tout. Puis je fais, ouais, je suis désolé, faut que j'aille aux toilettes. Puis il fait, ouais, ok. Et il fait, mais sinon, c'était pas la peine de me laisser de la crème hein, pour raser, j'en avais déjà et tout. Je fais, ok, donc vous l'avez trouvé. Il fait, ouais, c'est ma femme qui l'a trouvé. Oh putain. Voilà, et donc ah ouais. voilà. Mais bon gag. Bon gag. Le sperme c'est de la crème, bon gag. Bon ouais. gag. Non mais parce qu'il il a bien attendu quoi pour me le dire ouais. cet enfoiré. Ah. Et vraiment sa femme est rentrée en premier, a vu du PQ, elle a fait tiens, c'est quoi? Elle a ouvert. Ah, c'est donc ça. Et ils l'ont laissé quand même genre bah il va quand même ouais. le jeter à la poubelle quoi. Ouais. et c'est là donc. Que tu as eu l'idée du programme La Chasse au Trésor. Exact. Présenté voilà. plus tard par Sylvain Vigier. On a arrêté des voitures pour qu'elles nous emmènent plus vite sur le lieu. Ça n'a pas fonctionné mais ah, ouais. c'est chaud. Putain. Bah en tout cas, merci beaucoup. On va juste rappeler un peu l'actu de chacun. Parce que voilà, Sophie Riche, pardon. Il y a une oui. Sophie Riche et une Sophie Marie. C'est vrai, c'est des prénoms similaires. Ah oui. Sophie Riche, quoi oui. de. J'ai vu que tu étais sur Dijon récemment. Exactement. Que diable, parce que tu sais que c'est mon terre-terre. Pour bah oui, bien Dijon, sûr. Moi je viens de Bourgogne. J'ai repéré tous les, oui, tous en fait, les salons de coiffure. Il y a eu une petite blague. En gros, à Dijon, il y a énormément de salons de coiffure avec des jeux de mots. Mais genre vraiment, c'est un peu un gag sur internet, les salons de coiffure français avec des jeux de mots pourris. Ils sont beaucoup à Dijon. Ils sont très très forts. Je vais essayer de vous retrouver les trucs. Mais donc, du coup, t'as fait quoi à Dijon? J'ai tourné dans un court-métrage réalisé par Fred Baboulaz. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est cool? C'était super cool. L'expérience t'a-t-elle plu? Ah, l'expérience était formidable. Ah oui, bah oui. L'équipe était au top, les acteurs parfaits. On peut dire que c'était une belle expérience. C'était une très belle expérience humaine. Une belle aventure humaine. Humaine et artistique. Et t'as fait quoi d'autre autour de ça? Sinon, bientôt, qu'on peut voir de toi, ta chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, ouais, ma prochaine très, très vidéo. Cool chaîne YouTube, bravo, hein. Oh, merci beaucoup. Bah, si, mais c'est vrai, c'est bien. Ma prochaine vidéo sort dans la semaine. Si tout va bien hein, en termes de montage, si mon disque dur ne casse pas. Sache qu'elle risque de sortir avant ce podcast, du coup, donc on pourra la regarder. Oui, ah bah parfait, ouais, génial. Ce podcast sort cette semaine, en fin de semaine. Bah, du coup, ce sera la suivante. Voilà, d'accord, et nickel, parfait. Et quel est le nom de ta chaîne? C'est ton nom alors? C'est Sophie Oui, Riche. C'est Sophie Riche. Ah bah je suis pas allée chercher très loin. Ah oui, t'as raison. Avec un blast pareil, c'est du petit lait. Ah bah oui. Non mais. Ce serait gâché. Dans les salons de coiffure de Dijon, parce que là je suis devant sur Facebook, il y avait Brin d'Air. D'air évidemment, H-A-I-R. Brin d'Air. J'ai croisé Additif également. Additif, les tifs évidemment, et mon préféré, qui est sûrement le tien aussi. Je t'en supplie. Ah bah, le Faudratifère. Faudratifère. Oh, qui arrive à mélanger tif et hair. Ah ouais. Et ah ça, ouais. c'est plutôt pas mal. Et je l'ai vu. Et je l'ai vu. J'ai presque pleuré. Elle l'a vu de ses yeux vus. Ah. Et quand tu oublies le jeu de mots. Avoir un salon de coiffure qui s'appelle Faudratifère, ouais. c'est vraiment c'est... genre c'est un garage qui s'appellerait bon pas fou. Ouais. C'est ouais. vraiment le même niveau. Ouais, mais quoi. Tu sais, d'aucuns blanchissent de l'argent. Eh bien, Dijon, peut-être qu'ils blanchissent des jeux de mots. Je on pense sait qu'ils pas. Blanchissent tous les jeux de mots de salon de coiffure. C'est vraiment. Clair, ils les Il y en testent a énormément. Maud Giver, toi, tu as ton spectacle en ce moment? Oui. Je joue avec joie tous les jeudis à 20h15 au Sentier des Halles. À Paris, voilà. Rue d'Aboukir, dans le deuxième arrondissement. Ça doit être très précis, métro Sentier. C'est ça. Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'au 29 décembre. Faut se dépêcher là. Faut se dépêcher. On n'a plus que quelques dates. voilà. Donc je vous invite à venir me voir. Enfin, je vous invite à prendre votre place hein, oui, pour venir me voir, évidemment. Ce podcast est déjà gratuit. On peut pas tout offrir. Non, et c'est très cool, ça aussi. Moi, j'ai eu la chance de le voir, ton spectacle, il est très très bien. Et bah, merci beaucoup. Voilà, sinon, ouais, samedi soir, je fais la première fondue bourguignonne à la maison. Voilà, donc si vous avez envie de participer, il n'y a aucun souci, vous êtes bienvenue. Voilà, on va peut-être pas dire l'adresse par contre, du coup, peut-être pour celui-ci. Non, on va peut-être même changer mon nom pour quand tu. Hein rapport aux anecdotes. Aucun problème, merci. On bipera ton nom. On bipera tout, on bipera l'anecdote. Il y aura un bip de 25 minutes. Ce sera un bon conseil. Sophie Marie, toi quoi de neuf dans les bacs, j'ai envie de te dire. Eh bien, voilà. Bah moi je monte pas sur scène en ce moment. Je suis censée finir d'écrire un petit deuxième. Oui. Je t'ai pas vu mais t'as fait un première fois. Ouais. J'ai fait deux premières fois. Nanani nanana. Bon, je suis pas prête hein, clairement. voilà. Hein, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Avec Virginie, on écrit un livre qui s'appelle « Guide des BFF pour une amitié éternelle ». Non, « Amitié éternelle sans divorce ». Merci beaucoup, Adrien, ouais. Qui est donc mon RP sur, sur ce coup-là. J'écris également mon premier roman et j'ai plutôt bientôt fini. Belle aventure. Ouais, ça va s'appeler « L'art de la guerre 2 ». C'est vrai ou... oui, c'est vrai. Bah, oui. C'est le meilleur. Bravo. Bah, merci. Je l'ai déjà précommandé sur Amazon. J'en mets. Voilà, ça sortira début d'année prochaine chez Flammarius. J'en mets. Putain, la classe. J'en mets. Merci. J'en mets. Et sinon, bah, je monte pas sur scène en ce moment. Donc, non, non. Oui, mais peut-être. Enfin, voilà. Puis tu es comédienne, donc on peut te voir potentiellement. Tout à fait, tout à fait. Potentiellement dans les trucs des copains. Ah, oui, et c'est... ailleurs. Parce que t'as fait du cinéma aussi, Sophie Marie. Ah oui, ben oui. Alors, pas tout pas, de suite. Pas de postiche de fouf pour toi encore. Mais je serai nue et j'ai énormément de relations sexuelles dans un film qui sort l'année prochaine, dans le film d'Océane Rosemary. Bien sûr. Voilà, où mon partenaire à l'écran est Greg Montel, le bon Greg Montel, un des agents de 10%, une excellente série d'ailleurs. D'accord, très bien. Et on baise tout le temps. Eh bien écoute, nous avons hâte de voir ça. Était-il pourvu d'une chaussette ? D'accord. Et Adrien, toi, prochainement, toi, tu écris en ce moment ? Oui, bah tu es bien placé pour ça. Voilà, on écrit. Je le redis. Petite apparition dans le long métrage du Palma Show qui sort. Palma, frère. 1er novembre, j'ai un petit rôle, petite apparition avec Vincent, aux côtés de Vincent Tirel. Voilà, on joue deux résistants. Bien sûr. Oh, c'était rien marrant. Que ça, c'est bon, j'y vais. Bah voilà, on peut j'ai citer, les pattes rasées. Voilà, si ça peut. Oh, si ouais. Ça peut donner envie. Ouais. Et il y a plein de gens très cool en plus de vous deux. Il y a énormément de rôles. Je crois qu'il y a genre 50 rôles parlants. Enfin, c'est vraiment une galerie de personnages. Si vous, écoutez, écoutez le flot de gaz, il y a Julien Pestel qui a un rôle assez Julien important. Julien Pestel, ouais, ça c'est vraiment cool d'ailleurs. Il est vraiment chambé dedans, apparemment. Moi je l'ai pas eu la chance de le voir encore, mais il paraît qu'il est vraiment bien dedans. Et Julien est vraiment bien dedans. Et puis, bon, au-delà du fait que ça me fait plaisir de voir Julien sur un écran, c'est trop bien, mais objectivement il est en plus vraiment très bien quoi. Voilà, il y a du cool. Y a du Ken Kojandi, du Florence Foresti, du Florence Foresti, Jonathan Astier, Jonathan Cohen, Thomas VDB, enfin oh voilà, là là. Voilà, plein de gens, du beau monde, hein. Du non, très mais... très très beau linge. Fermez les yeux, oui. Est-ce que vous voyez une brochette? Oh. Ouais. Moi j'ai une brochette là, je les mangerai pas en boîte. Non, bon, c'était qui les brochettes en boîte? Je me souviens, c'était Pattaya, mais ça on peut couper aussi. En tout cas, voilà, bah, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à vous toutes et tous d'être venus. Merci, parce que ça merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venus vous livrer. Hein, merci j'ai envie de dire, vous avoir invité. Bah, ouais. Bien sûr, monsieur El Kabache. Monsieur, écoutez, les Français veulent des chiffres. Je vous fais des bisous et puis bah, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ah non, attendez. Oui. Attendez. Ouais. Vous avez cru quoi? Quoi? Avec Adrien Méniel, on s'est fait clasher par un podcast, j'allais dire concurrent, mais on fait tellement plus d'audience que c'est pas vraiment des concurrents. Un podcast s'appelle Comedy News Weekly. Est-ce que vous connaissez ? Non. Normal. Non, mais on sent que t'as envie de défoncer. Pas très surprenant. Alors Comedy News Weekly, pour les gens qui connaissent pas, il s'agit d'un podcast présenté par Anthony Mirelli et Dan Gagnon. Sassi Mirelli, qu'on l'appelle. Anthony Mirelli, bon, qui est pas, enfin, c'est un gars pas connu, et Dan Gagnon, c'est un gars qui aimerait être connu, mais qui l'est malheureusement pas beaucoup plus. Et voilà, ils se sont permis de clasher plutôt ma personne, plutôt ma personne. Il y a eu des blagues sur les cheveux, sur le physique. Oui, non, le physique. Ah, ouais. Non, quelque chose. Alors, de voilà. Moi, j'ai, parce que Dan a dit que voilà, tu t'étais inspiré par les Américains, qu'il fallait que tu trouves une personnalité. Oui, il dit que je plagie un peu Kevin Smith, voilà, ce genre de choses. Mais cela dit, c'est vrai que Dan rarement il parle anglais sans aucune raison. Donc oui, voilà. Voilà, non, donc, mais voilà. C'est pour ça que c'est assez voilà, justifié de ça. Moi, je sais prendre des remarques des plus grands, et donc du coup, voilà, c'est important de les remercier tout simplement. Ouais. Anthony Mirelli et Dan Gagnon @CNW podcast, très long leur titre de podcast à chaque fois, beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Et Dan Gagnon qui a 57 autres podcasts parce qu'il s'est dit oh, un seul qui marche pas, faisons-en une centaine où aucun ne fonctionne, sur la création de son troisième spectacle. Et si vous voulez voir Dan Gagnon jouer, Il y a une web-série qui existe, mais bon, vous en emmerdez pas. Mais il a joué dans un de mes sketchs, parce que bon, voilà, on chie un peu sur les gens qui... Alors, on tend une main, bon, bah, on se fait mordre hein, directement. Ah, ouais. Fais du bien à un cochon, il ira chier sur ton balcon. Ah, exactement. Excellente expression. Voilà. Exactement. Donc, et... bon gros porc, Dan Gagnon. Dan Gagnon qui a joué dans le sketch Barbecue. Non. Voilà, un de mes sketchs les plus décriés. Voilà. Et pas de responsable. Dan Gagnon, il est québécois et tu sais ce qu'il aime comme sport ? Ah, je sais pas. Le hockey. C'est super original ça, bordel. C'est incroyable. Mais ce mec-là est plein de surprises de toute façon. Est-ce qu'on peut l'appeler tout de suite ? Oui. J'aimerais vraiment bien qu'on appelle des gens. On pourrait, mais je crois qu'il est au Québec et du coup ça doit coûter beaucoup plus cher, je pense. Enfin, mais ça on me fait s'en chier. Fout, j'ai un millénium. Skype. Mais non, t'as déjà plus de. Non, les gars, la flemme. Enfin, en tout cas, si vous voulez écouter à peu près ce qu'il raconte, vous pouvez aller écouter. C'est sur SoundCloud. Ou sur iTunes, Comedy News Weekly, enfin voilà, voilà. On peut vous le résumer assez vite avec Adrien si vous voulez éviter de vous taper 14 saisons. Bon, vas-y, je fais Anthony, tu fais Dan Gagnon. En gros, bon, Anthony, c'est genre bon, j'ai vu un stand-up man. Oh, come on, man. Ah, j'ai entendu, il parle trop fort. Exact, j'ai reconnu à l'imitation, bravo. Voilà. Superbe. Dans ta putain de gueule, Comedy News Weekly, rep à ça. Bisous tout le monde, bonne soirée, au revoir. Ciao. Moi je mets des bisous.